Tu étais, aime-moi, prends-moi dans tes bras, et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur imprégner mes draps, et si tu m'abandonnes, je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. La cocaïne, la cocaïne, a tué ma famille. Je suis une clandestine à Amiens. Cocaïne, la cocaïne, la vie me fait. Je suis une clandestine, clandestine.